même si tu changes, même si tu deviens barge. Fais ton voyage. Si tes yeux voient plus loin que ce paysage, puisqu'au fond de toi tu es déjà parti, ne reste pas assis ici. Fais ton voyage, derrière la fenêtre tu t'emmerdes. Fais ce voyage, même si tu te perds sur des lointains rivages, puisqu'au fond de toi tu es déjà parti, ne reste pas ainsi ici. Rien ne reste, un vent qui souffle. Travers du lait, les voiles beaux. Fais ce voyage, même à genoux, même les pieds dans l'eau. Puisqu'au fond de toi, tu es déjà parti. Ne laisse pas ta vie. Pour toi, il y aura toujours ici.